Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a visité la fabrique de l'eau minérale de Ryong-Aksan avec le Premier ministre Park Bong-joon et des cadres responsables du Comité central du Parti du Travail de Corée. Le maréchal a déclaré que les cadres et autres personnels de la fabrique ont transformé leur lieu de travail au niveau de la demande du siècle nouveau et augmentent systématiquement la production avec l'esprit du service dévoué pour le peuple selon la recommandation du général Kim Jong-il pour approvisionner les citadins de Pyongyang en eau minérale de bonne qualité et apprécier haut leur mérite. Le maréchal Kim Jong-un s'est arrêté tout d'abord devant la salle à l'inspection du général, avant de faire le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et de la salle d'historique nouvellement aménagée. Il a dit « La fabrique de l'eau minérale de Ryong-Aksan est surgie par le général suivant les instructions du président Kim Il-sung, qui a apprécié excellente de l'eau minérale du Mont Yong-wak. Le général, informé de la construction de la fabrique de l'eau minérale, l'a baptisé en personne « Fabrique de l'eau minérale de Ryong-Aksan ». Le général, qui s'est rendu à la fabrique au petit matin du 20 janvier 2011, malgré le grand froid, a dégusté en personne de l'eau minérale produite dans l'usine et exprimé une grande satisfaction. Grâce aux bienfaits de notre général, les citadins de la capitale ont pu boire toutes les saisons de l'eau minérale du Mont Yong-wak, bien célèbre pour la santé. Les cadres et autres personnels de la fabrique ne doivent jamais oublier le dévouement et la peine du général qui a laissé les traces de direction indélébile à la fabrique pour approvisionner la population en eau minérale savoureuse et de bonne qualité et faire briller pour toujours son affection pour le peuple par des grands succès de production. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits, notamment la salle de commande intégrale, les processus de production de récipients, la station de pompage de l'eau crue, les procédés de production de l'eau minérale et l'entrepôt de produits, pour s'informer en détail de la production et de la stabilité hygiénique de l'eau minérale. Il a indiqué « Les lieux de travail sont isolés parfaitement de l'extérieur, suivant les particularités de la fabrique de l'eau potable », et la salle de passage hygiénique et les équipements de conditionnement de l'air et d'épuration sont installés pour parvenir à l'aseptisation et au dépoussiérage parfait, mais aussi le système de production intégrale est établi de façon à procéder scientifiquement à la direction de production, à l'entretien de produits et à l'entretien hygiénique des ateliers. Des machines de procédés de production de l'eau minérale sont complétées et les modernes processus de production de récipients d'une grande capacité sont nouvellement mis sur pied, de sorte que les procédés de production sont automatisés, mis en chaîne et robotisés, depuis la fourniture de récipients jusqu'au lavage, injection, examen et sortie. C'est vraiment spectaculaire que l'on voit sortir sans cesse de l'eau minérale dans toutes les dimensions de récipients. Puisque les procédés de filtrage et de stérilisation de l'eau à plusieurs étapes sont disposés parfaitement, l'eau minérale de cette fabrique est très stable et hygiénique. Le maréchal Kim Jong-un a estimé important la mission et le rôle de la fabrique de l'eau minérale de Ryong-Aksan et présenté les tâches de la fabrique telles que la normalisation de production à un haut niveau, la prise des mesures pour transporter à temps de l'eau minérale produite, et la standardisation et la diversification des couleurs et formes de récipients en verre avant de prendre des mesures nécessaires bienveillantes. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que notre pays compte un grand nombre de sources naturelles de bonne qualité et ordonné de mettre sur pied des fabriques de l'eau minérale dans toutes les provinces, villes et arrondissements aussi pour que les habitants en tirent profit. Admirons avec satisfaction le panorama de la fabrique évoquant un tableau de peinture. Il a estimé excellent la fabrique entourée de la route interne bien pavée, des arbres et arbustes de toutes les espèces et aussi l'environnement de production. Et il a dit très content que rien qu'à voir les bâtiments de production, les établissements de services publics et les procédés de production élégants et jolis, tout le monde peut savoir que la stabilité hygiénique est parfaitement assurée à l'usine. Et de continuer. Grâce au réaménagement de la fabrique de l'eau minérale de Ryong-Aksan, on peut fournir plus suffisamment de l'eau minérale aux citadins de la capitale. Normaliser à un haut niveau la production, c'est un travail important pour démontrer les avantages de notre régime socialiste, où toutes les richesses de la société servent d'un bout à l'autre le bien-être de la population. Le maréchal Kim Jong-un a exprimé son attente et sa conviction que les cadres et autres personnels de la fabrique de l'eau minérale de Ryongsan rempliront leurs responsabilités et devoirs, toujours conscients de l'intention du parti d'approvisionner le peuple plus suffisamment en eau minérale savoureuse et de bonne qualité, avant de se faire photographier en souvenir avec eux.